semble tomber du ciel. Et des pseudos à venir de nulle part illusoire. Ce soir, il ne jure que par toi.